Amos chapitre 7. Le Seigneur, l'Éternel, me fit voir cette vision, et voici, il formait des sauterelles au commencement que le regain croissait, et voici, c'était le regain d'après les fenaisons du roi. Et quand elles eurent achevé de manger l'herbe de la terre, alors je dis, Seigneur Éternel, sois propice, je te prie. Comment se relèverait Jacob, car il est petit? Et l'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera point, dit l'Éternel. Puis le Seigneur, l'Éternel, me fit voir cette vision, et voici, le Seigneur, l'Éternel, criait tout haut, confie jugement par feu, et le feu dévora un grand abîme, et il dévora aussi une pièce de terre. Et je dis, Seigneur Éternel, cesse, je te prie. Comment se relèverait Jacob, car il est petit? Et l'Éternel se repentit de cela. Cela aussi n'arrivera point, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis il me fit voir cette vision, et voici, le Seigneur se tenait debout sur un mur fait au niveau, et il avait en sa main un niveau. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je répondis, un niveau. Et le Seigneur me dit, voici, je m'en vais mettre le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne lui en passerai plus. Et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me dresserai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, sacrificateur de Bethel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos a conspiré contre toi, au milieu de la maison d'Israël, le pays ne pourrait pas porter toutes ses paroles. Car ainsi a dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël ne manquera point d'être transporté hors de sa terre. Puis Amatsia dit à Amos, voyant, va, et t'enfuis au pays de Juda, et mange là ton pain, et y prophétise. Mais ne continue plus de prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est la maison du royaume. Et Amos répondit, et dit à Amatsia, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète, mais j'étais un bouvier, et je cueillais des figues sauvages. Et l'Éternel me prit d'après le troupeau, et l'Éternel me dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute donc maintenant la parole de l'Éternel, tu me dis, ne prophétise plus contre Israël, et ne fais plus dégoûter la parole contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée, et ta terre sera partagée au cordeau, et tu mourras en une terre souillée, et Israël ne manquera point d'être transporté hors de sa terre.